Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast coquin et votre seule et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. Bonjour! Parlant de poubelle homosexuelle, je m'appelle Charlie Morin et je trouve que travailler, c'est pas beau, mais voler, c'est trop dur. Bonjour, bonjour, moi c'est Jess, grande bipolaire, toujours, ça n'a pas changé, et j'ai enfin fini de guérir toutes les ITSS que j'avais attrapées pendant la fierté. Et aujourd'hui, on n'est pas tout seul, on est avec... Salut, mon nom est Vincent Mousseau, je suis militant pour les droits de les personnes queer et transracisées, je suis un flaming faggot et votre franco-ontarien préféré, ce qui veut dire que je parle aussi mal anglais que le français. Yeah! Yes! Bienvenue à l'émission, Vincent, on est trop content de t'avoir. Comment ça va, la gang? Mal. Moi, ça va mal. Ça va mal, toujours. Ben, Vincent? Pour moi, ça va... plutôt bien, non, je pense. Non, girl, non girl. Ben là... bon, ben tu sais, j'ai pris mon petit moment, tu sais, j'ai pris un Starbucks, je prends un petit gorgé de mon café. Ben merde. What's up? Ben, si on met du lait normal au lieu de lait soya, là, ça va mal. Ah yes, ça va mal! Yay, she back! Ça va chier liquide tantôt. Alors... Bienvenue à Deux Fifs le matin. Aujourd'hui, on parle de... bilinguisme, puis de comment nos deux langues officielles influencent, ensemble ou séparément, la communauté queer montréalaise. Et en plus de parler de bilinguisme en général, on va vous parler un peu en mode comparatif des deux communautés franco ou anglo-queer, évidemment. On va parler un petit peu de leurs particularités et bien sûr, on va s'accorder un petit moment de bitchage qui font du bien. Fait qu'on s'en va au Café Myriade à côté de Concordia voir si les baristas anglophones nous comprennent sur leur demande un petit café fait avec deux laits, pas de sucre. Le plus vite qu'on peut, puis on vous revient. À suivre. OK! Alors, on est de retour à Deux Fifs le matin, toujours avec notre épisode sur le bilinguisme. Can you believe? Alors, on vit dans une métropole bilingue, ou à tout le moins, on se le fait croire. Et aujourd'hui, c'est un peu de ça dont on parle, de ce contexte bilingue queer à Montréal. Est-ce que vous pensez que la communauté queer à Montréal est bilingue ou bien est-ce qu'il y a deux communautés qui parlent deux langues? Est-ce qu'il y a une langue qui a le dessus sur l'autre? Qu'est-ce que vous en pensez du bilinguisme dans la queerness? Toi, Vincent? Ben, perso, quand je suis arrivé à Montréal, tu sais, j'étais impliqué beaucoup plus dans les communautés francophones parce que je suis franco-ontarien. Mais là, je fais mes études à McGill. Fait que là, à ce moment-là, j'étais comme plongé dans un univers d'anglo-américain, bébé gâté. We don't want to talk about it. Donc, j'ai un peu une idée des deux communautés. Puis, ouais, je pense que plus ou moins, la communauté est bilingue lorsqu'on parle de queerness, précisément. Mais lorsqu'on parle de communauté gay, je pense qu'il y a beaucoup plus de distinctions à ce moment-là. Ouais, puis, clairement. Je peux pas parler pour l'expérience lesbienne. Sorry about it. On invite les femmes la prochaine fois. Mais je pense que à Montréal, la dynamique, c'est que les institutions gay mainstream sont beaucoup franco. Tu sais, Pride, c'est genre beaucoup francophone. Oui. La chambre de commerce gay francophone. Non, mais tu sais, toutes ces affaires-là, mais qui sont comme... tu sais, je trouve que les francophones sont vraiment plus comme focus sur genre des institutions importantes que genre des initiatives communautaires ou des trucs un peu plus informels, tu sais. Puis, je sais pas, le networking puis la philanthropie, c'est beaucoup plus anglo, tu sais. Ouais. Fait que moi, mon impression, c'est que... dans le fond, le milieu mainstream est très comme franco-dominé. Puis les milieux plus alternatifs sont beaucoup plus anglo. Juste parce que les anglos sont meilleurs à comme créer des espaces from scratch. Ouais. Puis aussi, moi, ma théorie, puis ça, c'est juste ma petite théorie à moi, c'est que, dans le fond, je pense que vu qu'il y a plus de turnover dans le milieu anglo à cause de McGill puis de Concordia, qui sont des universités où il y a comme vraiment beaucoup d'étudiants américains ou du reste du Canada qui viennent, il y a vraiment plus de nouvelles énergies en fait qui arrivent. Ouais. J'ai l'impression que les gens ont juste plus d'énergie pour partir des initiatives, faire des trucs le fun. Ouais. Puis moi, en tout cas, c'est drôle parce que moi, dans ma tête, je dirais pas que la communauté queer est bilingue. Je dirais que la communauté queer est bilingue, mais pas les scènes. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont évoluer dans le milieu, mais le public qui se déplace pour par exemple, le Salon du Livre Queer ou le public qui va se déplacer pour tel ou tel autre show de drag ou tel événement de la Pride, là, à ce moment-là, ça va être un petit peu plus séparé entre anglo et franco. Je pense que les gens qui s'impliquent vont être beaucoup dans les deux milieux, mais les gens qui suivent un peu plus les événements et qui vont s'intéresser un petit peu plus de l'extérieur à la communauté, ces gens-là vont être vraiment split down the middle. Ouais, c'est genre choose your lane, girl. Oui. Mais est-ce que vous avez des gangs d'amis bilingues, vous autres? Ouais. De plus en plus. Ouais. De plus en plus. Ouais. Moi aussi, j'ai des gangs bilingues, mais j'avoue que c'est comme à dominance franco. Pour moi, c'est la dominance anglo, en fait. Mm-hmm. Ouais, OK. Ouais. Mm-hmm. Moi, c'est dominance franco, mais c'est sûr que je travaille en anglais, donc puis dans un bureau qui est très, très queer, je vous dis pas c'est lequel. Puis donc, c'est sûr que là, moi, ça commence à être de plus en plus bilingue là, dans les dernières années. Là, ça a beaucoup changé. Je dirais même que même dans les événements auxquels j'attends ou dans lesquels je vais participer, c'est complètement 50-50. Puis on s'entend-tu aussi que comme l'idée culturelle en soi est... principalement anglo à cause de, tu sais, RuPaul's Drag Race, puis comme toutes les autres, ouais, comme oh my God. Grands, des institutions culturelles sont comme principalement anglophones avec d'exceptions, avec des exceptions, tu sais, Céline et tout oui, ça. Oui, oui, oui, oui, mais reste que les francos comme absorbent tellement de vocabulaire anglophone, genre ouais. Oui. le vocabulaire surtout en ce moment avec oui, RuPaul's Drag Race qu'on vient de nommer. Ben oui. Oui. Mais vous parlez comme des franco-ontariens, puis ça me fait bien sentir à l'aise. Oh, yes! Feeling it. Mais c'est drôle qu'on parle de RuPaul's Drag Race parce que c'est un show qui est en anglais, qui est... en ce moment, probablement la chose la plus mainstream au niveau queer. Bon, là, il y a Pose qui commence à prendre de plus en plus d'espace dans l'espace médiatique, ce qui est une bonne chose. Mm-hmm. Mais essaye de trouver un party de visionnement de RuPaul's Drag Race en anglais à Montréal. Il n'y en a pas. Mm-hmm. Ça va être animé en français dans ouais. un bar francophone. C'est vrai, ça. Oui. Quoi que, ce qui est intéressant aussi, c'est que je trouve que les conversations qu'on est en train d'avoir avec les trucs mainstream comme Pose, RuPaul's Drag Race, puis les enjeux qu'on va présenter sont beaucoup plus... nouveau pour les communautés francophones oui. et sont beaucoup plus présents dans les conversations activistes, militantes et tout, anglophones, du point où, je sais pas si vous avez vu récemment, il y avait un tweet qu'une personne avait mis à propos de... je me souviens même pas de son nom, c'était un genre de D-list actor, genre. puis non, mais on s'en fout de sa gueule. en fait, il a dit « Pose is just a... qu'est-ce qu'il a dit? Merde! Il a dit « Pose is just glee with a viral load. » Puis j'étais whoa! Comme wow! Tu sais comme mais je pense que son commentaire obviously déplacé, mais en même temps ça démontre que on parle beaucoup plus de activisme VIH auprès des communautés anglophones que dans les communautés francophones. Oui. Fait que puis ça, on, évidemment on doit le changer, mais tu sais comme ça donne je me souviens que j'avais lu ça, puis j'étais comme oh, also no. Like il était fully cancelled, genre comme mais c'était oui, fini. Mais non mais oui, non. Oui, puis en même temps, je pense que c'est un peu normal parce que je veux dire, les mouvements queer, ça a beaucoup commencé de façon théorique avec des philosophes comme Judith Butler en particulier, comme Sedgwick, ouais. Puis on pourrait en nommer à peu près 3 millions d'autres. Même le mot queer, c'est un mot anglais à la base ouais. qui perd beaucoup de son sens quand on le dit en français. Puis on s'entend-tu aussi que allosexuel, il n'y a personne qui dit ça, arrêtez, si oh my vous God, en prie. Oh my God, cancel allosexuel. Moi, je suis bisexuel. Allosexuel, oh mais, my God. Mais c'est ça, truc. Moi, des fois, j'ai comme, je comprends que le queer a été comme réfléchi en anglais puis que ça rend ça comme plus accessible aux anglophones. Mais tu sais, même si c'est moins réfléchi ou exprimé en français, je pense que le queer est comme par nature plus anglophone. Tu sais, je pense qu'il y a quand même un truc où genre la queerness existe en français, c'est mm-hmm. juste qu'on a plus de difficultés à la nommer, à la breakdown, puis je pense que il y a aussi un truc où les anglo-queers sont présents comme dans plusieurs milieux, instances, puis trucs militants, puis sont assez incontournables, tandis oui. que les queers franco sont comme assez isolés, puis nos straights sont plus gossants parce qu'ils nous connaissent moins puis qu'on les a moins comme drillés politiquement. Oui, mais en fait, je pense que ça ajoute un point de vue quand même intéressant de comme l'idée de, ben, avec votre développement personnel, est-ce que vous avez trouvé que vous autres, vous avez comme grandi dans des espaces plus anglo-franco quand vous découvrez votre queer? Parce que perso, tu sais, moi j'ai grandi à Toronto. Fait que c'était anglo, puis c'était anglo de la mode torontoise, qui est à dire dégueulasse. fait que c'était juste vraiment pas plaisant de grandir quand t'as pas, tu sais, l'argent de poche pour aller payer un 25$ de cover dans un bar, tu sais. Non, effectivement. Alors que, tu sais, les communautés ici existent, on dirait à la fois, puis comme simultanément, puis je veux juste savoir, comme pour vous autres, ça a l'air de quoi de grandir dans ça. Moi, je dirais que mon homosexualité est francophone, mais que mon côté queer est anglophone. Genre, je me suis découvert comme gay dans le village, dans des mm-hmm. bars très franco. À l'époque, j'étais cette jeune personne très peu politisée qui n'a aucune autre cause que la souveraineté. Mm-hmm. Et je croyais donc à ça, moi, la souveraineté par les Français. Hey, ça va hey, on va l'avoir, notre pays. Hey, oh, je veux pas avoir besoin d'un passeport pour aller magasiner à Kirkland. De quoi vous parlez de... Fuck les rocheux. Mais non, fait que j'étais jeune et innocent. Fait que c'est sûr que je me tenais beaucoup plus dans un milieu francophone, mais mon côté queer s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup développé dans les communautés anglophones. Toi, Charlie? Moi, j'ai rencontré les franco-queer avant de rencontrer les anglo-queer, en fait. Puis, okay. Je veux dire, c'est pas long, là. Tu fais le tour rapidement, on est 12. Mais on n'est pas 12, là, mais tu sais, comme tu fais le tour assez rapidement. Mais moi, c'était. Mais 15. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y en a 3 de plus. Mais, ouais, j'ai rencontré les Franco avant, mais tu sais, dans le temps, il y avait la Radical Queer Semaine aussi qui était comme assez bilingue. Oui, c'est vrai. Ce qui était comme assez unificateur, c'était comme un événement qui se passait dans la ville où, comme, tu sais, là, oh my god, we're queer for like 10 days. Genre, c'était le fun. Puis j'ai rencontré les Anglo queer vraiment plus en voyageant à l'extérieur de Montréal. Puis là, il y avait juste des gens qui étaient comme, oh my god, do you know this and that? They're from Montreal as well. J'étais comme, I don't know. Puis là, on se rencontrait, puis là, on devenait amis, puis là, quand on s'est croisé à Montréal, j'avais plus de réseau, puis j'avais l'impression de rentrer dans une nouvelle ville complètement. Ouais. Des visages que j'avais vus pendant 5 ans dans plein de parties, qui n'avaient pas de nom, qui étaient juste comme, que là, genre, I've been introduced to them. Genre. Fait que c'est clair que comme pour vous autres, c'était comme pas mal séparé de vos identités. Au début, oui. Ouais. Mm. Mais là, maintenant, est-ce que vous trouvez que ça existe toujours, cette division-là? Puis si oui, est-ce que vous êtes dans les deux communautés en même temps? Je pense qu'elle existe théoriquement. Je faisais des guillemets, puis ouais. Personne ne me voit. Faire des guillemets dans un podcast, c'est pas pratique. Non, moi maintenant, non. C'est comme je disais un peu au début, je pense que moi maintenant, ma vie est vraiment plus bilingue qu'elle l'était. Puis je trouve qu'il y a de plus en plus de passerelles entre les communautés aussi, parce qu'on va quand même se dire la 5-gay, queer, LGBTQIA2+, à Montréal, est pas super immense. On n'est pas à New York, là. Mm-hmm. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je pense que, surtout en ce moment, que le mouvement queer prend plus le dessus sur le mouvement juste de libération gay qui a été ce qu'on a le plus vu dans les 50 dernières années depuis Stonewall, mais là, ce qui fait aucun sens, mais... donc c'est ça. Donc je pense que c'est en train de se mélanger tranquillement, pas vite. Moi, je pense qu'il y a aussi un truc de comme on vieillit. Puis genre, les Anglos... Non, mais tu sais, les Anglos qui restent puis avec qui je suis ami sont plus à l'université. Fait que tu sais, ils ont dû apprendre le français pour rester. Ouais. Puis ils sont capables de parler français avec mes amis francophones comme connaissent l'anglais. Tu sais, je pense qu'il y a plus un truc où ça se mélange. Tandis que quand t'es dans des milieux plus jeunes puis plus universitaires, tu sais, comme, il y a du monde là qui vient juste à McGill à Concordia pour 3 ans, qui ils font comme, oh shit, they speak French for real. Puis on est comme, well, we sis, we told you. we been new. C'est ça. Puis ils font juste comme, can't get a job. Je m'en vais. Oui, ben voilà. Alors, là-dessus, nous autres, on va prendre une petite pause. On s'en va au bureau du Bloc québécois dans Laurier-Sainte-Marie pour les harceler en anglais jusqu'à temps qu'ils nous laissent avoir accès à leur cafetière dans la salle des employés. Puis, on vous revient dans à peu près 30 secondes. Yay! Fait qu'on a réussi à faire ce qu'on aime le plus au monde, soit faire chier les baby boomers souverainistes. Puis on a même réussi à voler leur cafetière puis leur Maxwell House. On est crinqué comme jamais, la gang. Yes! Gain sur tous les fronts. Alors, on vient un petit peu là, de partager notre expérience. Si elle est en français, si elle est en anglais, comment ça s'est passé, comment c'est en train de se mélanger. Je me demandais, qu'est-ce qu'on aime puis qu'est-ce qu'on aime moins de chacune de ces communautés-là? Admettons qu'on les prend à part. Ooh. Charlie, je te laisse commencer. Oh my god, me! OK. ce que j'aime. Mais moi, pour vrai, ce que j'aime de la communauté franco, c'est que c'est petit. Tu sais, tout le monde, comme, c'est cute, tout le monde se connaît. Je pense qu'il n'y a pas vraiment moins. Mais il y a aussi un truc où, genre, les gens vont pas comme t'ignorer ou te dismiss parce qu'il y a un truc de, genre, vu qu'on est une communauté pas si grosse que ça, je trouve que les gens se tiennent puis se connaissent. Puis, genre, il y a plus un feeling de petite communauté. Tandis que je trouve que les communautés anglo sont plus cliquées parce qu'il y a plus de monde, parce qu'il y a un gros turnover aussi. Fait que j'apprécie ça de la communauté francophone. Sinon, j'apprécie aussi que le travail de radicalisation se fait surtout auprès d'instances particulières dans le cadre de mouvements précis. Je trouve que c'est vraiment francophone, c'est de monter des mouvements, d'avoir des revendications précises, de pas juste faire comme des milieux le fun juste pour le fun. Comme ça prend des... C'est-à-dire que j'aime le fait que les gens sont très orientés politiquement, même si quand il n'y a pas de momentum, il se passe rien. Mais j'apprécie non, quand même. La francophonie a un gros penchant pour avoir une grande gueule puis des grands discours. Pis, c'est vrai ça. C'est ça, mais ça devient rapidement des queers de salon. Fait que c'est ça. Moi, c'est les deux choses que j'apprécie des communautés franco. Avant de me lancer dans le bitchage, je vais vous laisser dire ce que vous appréciez. OK, toi, Vincent, qu'est-ce que tu apprécies des deux communautés? Ben, tu sais, comme... Je trouve que dans les communautés francophones, comme on a dit tantôt, je pense qu'on a vraiment beaucoup plus de comme institutions. Fait qu'on a les moyens pour pouvoir faire des trucs qui ont de l'allure. Oui. Puis ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis dans les communautés anglo, je trouve qu'il y a comme quand même une passion comme... Tu sais, ça veut même pas s'impliquer auprès d'une dans une grève ou faire quoi que ce soit à McGill ou à Concordia. Mais tout de même, c'est en, ça crée des espaces. Puis comme tu disais, Charlie, je trouve que c'est, ce qui est vraiment intéressant dans ces espaces-là, c'est que ça va créer un espace social qui est tout de même politique. Puis moi, ça, j'apprécie tellement ça. Mais moi, j'apprécie le fait qu'ils sont full bons avec le DIY, en fait. Genre, ils sont juste comme fuck off. Genre, on fait une banderole, on fait un genre un queer party, puis ça va être décoré au style des années 80. Ouais. C'est vraiment hot. Genre, comme fait comme ça de rien. Je capote. Genre avec un nom super cute de collectif, juste pour le fun, parce que les francophones vont être comme l'association des queers, avec un acronyme dégueulasse. Oui. Ben, c'est ça que j'allais dire. J'aime et j'aime pas ça en même temps de la communauté francophone, mais c'est quand même... C'est là que le lobby gay est du côté francophone. Puis, bon, pour le meilleur et pour le pire, on le sait... mais y a, c'est justement cette tendance à créer des espèces de grandes associations là, ça c'est très très très très milieu francophone. Mm-hmm. Je représente toute la communauté, ça c'est un francophone qui va dire ça, ça c'est sûr et certain. Puis du côté anglophone, j'aime tellement le souci du détail. C'est fou comment quand tu regardes juste ce qui se poste sur les réseaux sociaux par les milieux anglophones, il y a de la place pour toutes les oppressions, ce qu'on voit beaucoup moins en français. En français, c'est beaucoup des grandes, grandes oppressions généralisées qui vont être défendues. Je trouve qu'en anglais, on voit beaucoup, beaucoup plus de diversité, que ce soit au niveau des maladies mentales, de racisme, de lutte pour les droits des personnes trans. C'est beaucoup plus varié en anglais. En français, encore une fois, on le dit, c'est parce que ça se présente souvent comme des blocs très unis. Mais l'union fait la force, c'est tout ça. Mais je pense qu'il y a une valeur derrière ça, aussi, ben, derrière les deux points de vue, tu sais. D'une part, t'as comme l'attention au détail, comme tu dis, c'est vraiment beaucoup plus, c'est comme il y a de la place pour reconnaître la diversité de chaque individu, mais dans le milieu francophone, on reconnaît aussi que même si le problème avec le milieu francophone, c'est que ça refuse souvent de reconnaître ça. Ça va revenir à mon bitchage, mais on trouve que tu sais sur le côté anglophone, on a tendance à oublier aussi le fait que tu sais l'homophobie, la transphobie, la misogynie, puis tout ça, ça c'est lié directement à l'oppression capitaliste. Oui. Tu sais, puis on va juste l'ignorer pour mettre l'accent vraiment sur l'individu. Oui. Puis perso, je pense qu'il faut un peu des deux. Mais c'est vrai que les Anglos sont full axés sur comme l'individu, puis comme tu veux toi, puis comme, tu sais, c'est très... Puis comme, fine, mais c'est vrai que... Puis les Francos sont juste vraiment trop axés sur la collectivité. Ben oui, c'est ça. Puis c'est comme cette tension-là qui revient tout le temps. Moi, quelque chose que j'apprécie vraiment des Anglos aussi, c'est que hostie qu'ils sont bons pour faire des parties, par exemple. Ah ben oui. For real, les Francos, là, je suis comme, est-ce qu'on attend que quelque chose se passe, on finit au stade le vendredi soir, là, tandis que genre... Une partie de Franco, t'as tout le temps l'impression de te retrouver à Rocket. Yes! Mais non, mais. Meanwhile, les anglophones sont genre Faggity Ass Fridays, puis comme vraiment tout le kit. Genre, c'est. Ouais. Puis là, ça nous amène un peu à bitcher. Ben oui. Parce qu'on est bonne. On fait bien ça. C'est une radio poubelle, quand même. Puis, qu'est-ce qu'on aime moins, justement, des communautés francophones ou anglophones? Moi, j'aimerais ça commencer avec ce que j'aime vraiment moins des communautés francophones, qui est cette espèce de. Ce réflexe du c'est trop compliqué. Ah oui. Ça, en français, on l'a beaucoup, surtout à cause des... quand on veut neutraliser nos pronoms, nos mots, tout ça. À entendre les francophones, là, on leur demande de construire les pyramides d'Égypte une deuxième fois. Ça a l'air pénible, mais pénible. Alors qu'il y en a plein de solutions qui sont proposées pour neutraliser les que ce soit les pronoms ou les mots. Et c'est... Mais juste comme « how about you try? » Ouais. Essaye avant. Genre, un minimum. Ouais. Je veux dire, t'avais 16 ans, tu connaissais le nom de 150 Pokémon, mais juste apprendre 4-5 pronoms, ça, c'est trop compliqué. Non, je peux pas croire. S'il vous plaît, faites un effort. Et moi, ça serait ce que j'aime un peu moins du côté francophone. Côté anglophone, j'aime tout. Non, c'est pas vrai. Girl. Ouais, je trouve que, perso, pour les communautés anglophones, comme vous disiez, je pense qu'il y a l'aspect de high turnover qui revient souvent. Comme il n'y a pas de... Tu sais, si les francophones sont en train de créer des institutions, c'est parce que Montréal est pas une destination pour 4-5 ans, puis ensuite on s'en va. C'est vraiment comme je m'installe ici, je fais une vie, puis ça donne une plus longue vie aux institutions, alors que les anglophones sont vraiment juste... Il y a des... Tu sais, comme on va pas parler de... Tu sais, Queer McGill existe depuis les années 69... depuis les années 60, là. Ouais. Mais c'est, ça a tellement changé dans le temps, puis ça change chaque 3-4 ans à cause, justement, de la réalité. Puis je trouve que c'est vraiment décevant parce que, tu sais, t'avais Faggity Ass Fridays qui est juste mort comme ça. T'as le Cousins Party qui fait un peu la même chose. Ouais, comme, c'est vrai. T'as vraiment... T'as l'institutionnalité, si... Il y a une ou deux personnes clés qui s'en vont, ben, ouais, on est un peu foutu. Ouais, ouais. Les Anglos ont plus de problèmes avec la passation des savoirs, ouais, en fait. Puis, ben, je sais que ça se voit pas sur la radio, mais je suis un noir. fait que dans les communautés francophones, je trouve que il y a un refus complet de reconnaître tout ce qui est réalité intersectionnelle, mm-hmm, tout ce qui est tout ça. Fait que je peux dire... Encore là, c'est trop compliqué. Ben, c'est ça. On revient au trop compliqué, tu sais. Pour moi, de dire, tu sais, le fait que j'existe en tant que personne à présentation masculine qui est queer et personne à présentation masculine qui est noire, ben, pour eux, sont comme des trucs complètement séparés. Ouais. Fait que, puis, on s'entend-tu que la manière dont je vis l'homophobie va être influencée par le fait, mm-hmm, que je suis un noir, tu sais. Moi, je marchais de McGill avec mon copain, puis on marchait main dans la main, puis je me suis fait traiter de black faggot very specifically, tu sais. C'était ça qui a été crié de la voiture. C'était pas juste que je sois tapette. Ouais. C'est que une addition des deux. Exact. Puis tu sais, comme ça aurait pas été influencé de la même... Tu sais, comme j'aurais pas été touché de la même manière parce que ça attaque mes deux identités. Puis souvent dans les milieux francophones, on va juste pas le comprendre. C'est soit une attaque homophobe, soit une attaque raciste. Puis on s'entend-tu que le racisme n'existe pas au Québec anyway? Ben, c'est exactement ce que j'allais dire. Le francophone moyen au Québec a vraiment cette facilité de dire « Ben non, il n'y a pas d'islamophobie au Québec, il n'y a pas de racisme au Québec, tout va bien au Québec, ouais, ce qui est de l'hostie de bullshit. » Puis c'est facile de dire qu'il n'y a pas d'islamophobie au Québec quand t'as pas de musulmans dans ta communauté. Par exactement. Exemple. Ouh, merci, je sais pas. C'est là où moi je voulais en venir, c'est que la représentation gay au Québec est francophone blanche. Ben oui. La représentation anglophone au Québec est américaine, puis là, va être un petit peu plus variée. Mais en français, ben là, maintenant, il y a deux fifs le matin. You're welcome, la gang, you're welcome. Mais en français, il y a très peu de représentation médiatique queer qui est pas juste... je veux dire, on a Alex Perron, Joël Legendre, c'est non, non, mais ne serait-ce que queer, tu sais, c'est tout des hommes gays, mais tu sais, mettons, qui est comme, je sais pas, le porte-parole du queer au Québec en français? Ah, là, on a Cœur de Pirate. Cœur de Pirate. Judith Lucier. Ouais. Ah oui, c'est vrai, Judith Lucier. Mais c'est ça, tu sais, mais genre, c'est quand même, il y a quand même juste ça, tu sais, tandis qu'en anglais, t'as accès à plein de médias alternatifs, ouais, tu sais, mm-hmm, qui sont pas nécessairement comme locaux, mais qui, quand même, le contenu est accessible, tu sais. Mais en même temps, tu sais, je pense que les réseaux queer franco se défendent relativement bien en théorie antiraciste. C'est juste que ils vont le faire entre personnes blanches dans un truc très auto-référentiel. Oui. Mais c'est ça, tu sais, c'est juste que comme s'il y a personne pour te dire ta gueule, c'est pas à toi de dire ça. Ouais. Genre, ben, c'est facile de le faire, tu sais. Puis je trouve que c'est beaucoup ça, les milieux franco. C'est pas nécessairement. Devenir un porte-parole autoproclamé. Oui, c'est ça. Ils sont pas nécessairement comme aussi rétrogrades que, je sais pas, là, genre, le les straight. Ça prend pas beaucoup pour être straight. C'est ça. Il y a comme une certaine wokeness de plus, mais en même temps, c'est très self-referential, puis il laisse pas d'espace. T'sais. Oui, puis c'est fragile, parce que si on se le fait pas remémorer, cette awareness-là risque très, très rapidement de s'évanouir. Alors là-dessus, nous, on s'en va à l'Office de la langue française leur demander c'est quoi la traduction pour un skinny frappuccino, puis on vous revient overcaféiné dans 30 secondes. OK, la gang, on est de retour de l'Office de la langue française qui nous a donné « maigre frappucine » pour traduire « skinny frappuccino ». Donc, vous aurez dû voir la face de la barista du Starbucks de Centriton quand il a demandé une « maigre frappucine ». Mais on a eu notre caféine, pareil, puis on est speedé au bout. Et on est de retour avec une question. Vincent, pendant qu'on était un peu off the mic, tu nous parlais de quelque chose de super intéressant, puis... c'est un peu une des conséquences des fois de la séparation des langues. Comme tu disais, t'es franco-ontarien et ouais. Qu'est-ce que tu nous disais hors micro? Ouais, fait que en plus d'être un noir, je suis un franco-ontarien. puis je trouve que c'est hyper intéressant de voir des situations qui se produisent en Ontario auprès des communautés francophones lorsqu'on parle d'inclusion des personnes trans et non-binaires plus précisément. Ouais. Donc, on parle vraiment des personnes qui se sentent pas à l'aise à accéder à des services en français. Donc, on a un exemple de Windsor dans le bain, dans le bout de l'Ontario qui est en train de pénétrer les États-Unis. Là, OK, au fond. Canada and the US being gay. Tu sais, il y a une personne, il y a des personnes non-binaires qui se sentent pas à l'aise à accéder à des services en français, même s'ils ont le droit d'accéder aux services en français. À cause de, ils sont pas à l'aise comme personne non binaire à accéder à des services où ils vont être mégenrés. Fait que pour eux, c'est comme c'est encore plus insultant d'arriver en hôpital ou en clinique puis de se faire mégenrer constamment. Ouais. Parce que le français dans la tête des gens est beaucoup plus genré, ben, à la base, plus que l'anglais. Exact. Fait que ces personnes-là vont juste se diriger vers les milieux, ben, surtout en Ontario, surtout dans le sud. Tu sais, t'as le droit de juste aller dans les milieux anglophones aussi, puis d'accéder à des services en anglais. Mais tu sais, qu'est-ce qui arrive à ce point-là? T'sais, t'as des francophones qui sont carrément en train de se refuser des services en français, de refuser leur droit d'accès aux services, qui permet aux personnes comme Ford de faire des coupures supplémentaires parce que ben là, les francos sont pas en train d'utiliser leurs propres services. Puis lorsqu'on est en train de parler de protection de la langue française puis tout ça, ben ça passe par l'inclusion, tu sais, ça passe par reconnaître que c'est aussi que... un enjeu queer. Exact, ben en effet. Ouais, mais c'est fou à quel point genre justement sur la protection de la langue française, ils sont vraiment dans un truc de comme la garder intacte, ne pas la faire bouger, tu sais, puis exact. Ce qui est le pire moyen de protéger une langue. Oui, exact. Mais c'est le vieux truc élitiste de comme la langue n'a pas bougé depuis genre le 19e siècle, fait qu'ils veulent pas comme apporter aucune modification. Demandez au latin comment ça va. Ben c'est ça, tu sais. Non, mais c'est quand même intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire qu'il y a carrément des gens qui se voient dans quasiment, ben pas quasiment, pour se sentir sécure, se voient obligés de tourner le dos à l'aspect francophone de leur vie. Mm-hmm. Puis Dieu sait qu'on a, malheureusement, on a encore besoin de toutes sortes de services gouvernementaux, toutes sortes de... Donc c'est... Puis on entend que ça se... Malheureusement, oui, on a encore besoin du gouvernement. Mais tu sais, ça se passe ici aussi, dans les milieux sociaux aussi, je trouve. Oui, tu vas choisir de tenir avec des personnes. Tu sais, si je peux éviter le village, des fois, je vais le faire parce que je trouve que me faire mégenrer avec les mauvais pronoms constamment, puis de me faire dire, ben là, c'est trop complexe, votre affaire. Oh, oui, ou reviens-en, hein, ou ben calme-toi. Oui. Oui, on tout ça, là, ben là, ça m'écœure. Fait que je vais juste me tenir avec des anglos. Ouais. J'ai pas besoin de faire l'explication. Pronom they. Cool. Ça va comme ça. Ouais. Oui, parce qu'en anglais, c'est ça, on utilise le pronom qui était anciennement pluriel et qui est juste maintenant un pronom non genré et que tout le monde comprend. En anglais, ça marche numéro un. Personne n'est mort encore. OK, mais là, la gang, genre, rêvons ensemble. Oh, c'est ce moment-là, on rêve. Les trois ensemble. Rêve de fif. De quoi qu'on rêve de fif. De quoi qu'on aurait besoin pour créer plus de ponts entre les communautés anglo et franco à Montréal, selon vous? Mon Dieu, d'un podcast qui invite des gens franco-ontariens pour en parler. Yeah. Entre autres. Moi, je pense que... Moi, faut vraiment que j'arrête de nous faire nos propres shout-outs dans notre propre podcast. Quand même, tu sais, les Anglos pourraient plus parler français, que ce serait pas grave, là, aussi, là. Ouais, il faut vraiment... Mais tu sais, je suis franco-ontarien, fait qu'à la base, je suis comme... Je veux qu'il y ait plus de monde qui parle français. Oui. Mais tout à fait d'accord. Puis je pense que, tu sais... Ça aide aussi que s'il y a des francophones qui vont apprendre à parler anglais aussi. Ouais. Puis, parce qu'il nous faut vraiment comme de comprendre nos réalités. Parce que cette réalité de cette collectivité, de comprendre la collectivité francophone, tu peux pas le faire si tu parles pas français. Non, de comprendre la manière dont les anglophones comprennent les enjeux individuels, ben, il faut parler anglais pour ça parce que la langue en fait partie. Fait que je trouve que ça, c'est hyper important qu'on soit capable de communiquer entre nous puis qu'on ne fait pas juste se séparer dans nos groupes franco-anglo. Déjà là, ce serait génial. Définitivement. Moi, je pense que ça nous prend aussi plus de représentation culturelle bilingue. Mm-hmm. Puis là, je ne parle pas de Sugar Sammy. Je parle vraiment non, pas de Sugar Sammy. On parle jamais de Sugar Sammy. On parle jamais de Sugar Sammy. C'est vraiment pas l'exemple de bilinguisme que je voulais parler. Mais j'ai un autre bon exemple, par exemple, qui s'appelait justement Bonjour, Hi, qui est un show de Thomas Leblanc, qui était bilingue. Que je peux aller voir. Fait que je sais pas si c'était bon, mais je pense que oui. Les gens qui sont allés voir m'ont dit que c'était super bon. Donc, je m'excuse, Thomas, je peux aller voir celui-là. Je suis allé voir Sainte-Céline. Mais je pense que des espaces bilingues aussi, c'est intéressant. Je reviens de la Radical Queer Semaine, je m'ennuie. Je pense qu'à un moment donné, c'était difficile à porter aussi tout un festival. Il y avait moins de monde, puis comme, c'est correct. Là, on avait essayé de l'organiser un moment donné, tu te rappelles-tu? Eh hey boy. Mais les choses meurent, puis je veux dire, elles revivent, c'est pas grave. Mais je pense qu'un espace, justement, pensé de manière bilingue. Ouais. Parce que je pense que le bilinguisme passif, ça fonctionne aussi. Il y a assez de monde qui comprennent les deux langues pour... Parce que moi, dans des événements, quand ils essaient de tout répéter, je suis comme là, moi, je suis là, puis j'écoute tout deux fois, là. Oh, oh, oui. Puis même ici, des fois, de fif le matin, on se gêne pas. Si on a besoin de dire de quoi en anglais, on dit en anglais, on n'est pas Radio-Canada. Ben oui, c'est ça. Moi, ça fait 3 ans que je travaille en anglais aussi. Fait que, tu sais, comme des fois, j'ai juste perdu mon français, puis je vais juste parler en anglais, puis c'est de la merde, là. Comme, j'ai de la misère à être unilingue dans aucun des deux, tu sais. Histoire de ma vie. Ouais, c'est clair. Puis je le remarque même dans la littérature. Des fois, je suis en train de lire un roman qui s'appelle After, puis le livre est bilingue. C'est écrit autant en anglais qu'en français. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est des bons exemples pour dédramatiser la séparation entre les deux. Puis après ça, c'est sûr qu'apprendre les deux langues, c'est pratique. Ouais. OK, fait que si ça vous tente, j'ai un petit jeu pour vous autres. Ah, ça me tente pas. Yes! Fait que vrai, ça me tente. Ça s'appelle Anglo ou Franco. Fait que je vous pitch des Franco. Événements, des endroits, des phénomènes culturels ou propres à la métropole québécoise. Puis vous devez me dire si c'est une affaire d'Anglo, une affaire de Franco ou une affaire des deux. OK. Cool. Fait que... C'est un peu compliqué, mais je vais me concentrer. OK. Mettons le stud, le bar, Papineau, Sainte-Cathe, genre à l'est du village. Franco. Ben, c'est Franco, comme son nom l'indique. C'est ouais. ça. Mais tu sais, peut-être. Oui, c'est ça. Le stud. Peut-être pendant Pride, une couple d'Américains, mais tu sais, sinon. C'est vraiment Franco. Ou tu sais, les jeunes de Miguel et Concordia qui savent pas dans quoi ils rentrent, genre début septembre, là, lorsqu'ils arrivent en groupe. Genre. Ou ceux qui ont comme un weird fetish de genre, les Kevs sont tellement comme plus real puis authentiques. Ah genre, oui. Parce que eux autres. Oui, arrivent... parce que le français, c'est country. Ouais, c'est ça. Anyways, OK, le café Cléopâtre. Anglo. Alpha. Anglo. Comme son nom l'indique. Le salon du livre queer. Anglo. Oui. Quand même, genre, tu sais, t'as une couple de français. Ça se présente bilingue. Ouais, ça se présente bilingue, mais c'est en fait. C'est très, très, très anglo. C'est très anglo, ouais. Ça se passe en anglais. Le salon du livre anarchiste. Franco. C'est weird. Moi, je dirais, je trouve ça étrange parce que t'y vas, puis il y a tellement d'événements qui se passent en anglais aussi. Ouais. Puis en plus, avec tous les livres aussi qui sont en beaucoup de livres vont être en anglais. Des publishers américains qui vont rentrer, puis qui vendent leurs trucs. C'est assez bilingue, ouais. C'est assez impressionnant. Ouais. Mais tu sais, en tout cas. Ah ouais, moi dans ma tête, c'était ultra franco. Mais tant mieux, les gens qui vont. Ok, ouais. Tout est franco, ils vont, mais tout est anglo. C'est juste tout le monde. C'est le gros centre d'achat anarchiste. Ouais, clairement. Magasinage, là. Clairement. Le pique-nique électronique. Hostie. Des touristes, je sais pas. C'est un territoire français d'outre-mer, à this point. Là. Ah! Pour vrai, là. 22e arrondissement, parce que le 21e, oui, c'est le plateau. C'est ça. Genre, à this point, c'est rien que des hosties de français. Je pense que c'est bilingue, moi. Ouais, c'est pas mal bilingue, je pense. Ouais. Mais c'est des français, mais c'est bilingue. Ça, avec leur anglais poche. C'est pas... Ouais, c'est pas de mon genre. Le MPU, le mec plus ultra. Franco. Puis Franco gay, très précis. Ouais. Ouais. Wow, et c'est vraiment le troisième étage du Sky et sorti du village. Genre. Mais moi, je suis hors village. Moi, je suis hors milieu. Mais moi, c'est des tablettes propres, mais tu sais. Ben oui, mais ça s'en va à MPU à chaque fois. Le Montreal Blog. Hostie. I don't want it. Ça, c'est genre même pas anglo, c'est juste comme McGill. Oui, c'est ça. C'est de l'anglais dans l'anglais, c'est l'anglais McGillien. C'est ça. Le Ritz PDB. Plus anglo que franco, mais je pense que c'est pas mal les deux. Ben, le problème, c'est qu'on se ramasse tout le temps là, parce qu'il y a rien que là aussi. Ouais. Là. Genre, moi, je suis tellement tanné d'aller au Ritz. Moi aussi. Non, moi, j'y vais plus. Tu sais, comme, garde, j'habite à Hochelag, là, ça me tente pas de. Oui, de c'est ça. Cul, me rendre de... On est en bas de la côte. J'ai pas le temps pour les sorties internationales, moi, là. Le NDQ. Bonne question. C'est difficile, en fait. Hey, vous chantez une toune en français au karaoké du NDQ, là. Ouais. T'as genre un tiers de la salle qui est comme turned as fuck. Puis t'as genre le deux tiers qui sont juste comme. What's happening? Oh, ouais. Ah ouais. Mais je suis pas surpris, par exemple, parce que c'est sûr, c'est vraiment proche de, du Mylan, où il y a beaucoup d'étudiants de McGill. Ouais. Fait que s'ils veulent pas sortir, ils vont là. C'est leur bar queer par excellence. Non, puis le staff est très anglo-queer aussi. Mais ouais, on avait fait Confession Nocturne de Diams avec ma best. Oh my god! Toutes les franco étaient comme « Oh shit !» Puis toutes les anglo étaient comme « Are we missing a cultural moment ?» C'est la toune. Oui. Yes, they are, genre. Yes, they are. Le cabaret Berlin. Jamais rentré là. c'est très nouveau, c'est dur à dire, mais j'aurais tendance à dire anglo. Ah ouais, moi je trouvais que... c'est-à-dire que oui, mais en même temps... J'ai vu les artistes qui se produisaient là. L'Est du village est plus franco. Moi, je trouve que c'est intéressant qu'il y ait de quoi de nouveau qui se passe dans le village, qui est comme... Tu sais, c'est une crowd beaucoup plus mixte, là. C'est pas comme overtaken par, genre, les six fags, là. Non, puis c'est beaucoup plus burlesque. C'est moins axé sur les drags. Genre, on est un peu moins dans le stéréotype du village, là. Ouais. On a des performances plus intéressantes. J'adore les drags, je dis pas que c'est pas bon, mais on a autre chose. Exactement. Ouais. Rufus Wainwright. De quoi? Rufus Wainwright. Sans ça d'où? Non, mais pour vrai, c'est qui tellement... a fait cette liste-là? C'est moi qui l'ai faite. Notre chercheuse vient de perdre sa job. Non, mais Rufus Wainwright, là, moi, je trouve ça drôle parce que j'ai l'impression que les francs, c'est pas un household name, genre, chez les francophones. Non. Tandis que les anglo... Tout le monde Ah, yo! Ouais. C'est ça. Ouais, mais ça non, mais tu sais, quand... Sa mère est connue aussi, Martha Wainwright. Ouais, oui, sa mère, c'est ça. Non, mais tu sais, quand je faisais mon coming out puis je tapais gay song people in Google... Gay song people. Je sais pas, là. Tu sais, c'est ce qui arrive quand on switch de langue trop souvent. Ouais. Tu sais, gay songwriters in Google, ça me donnait Rufus Wainwright. Fait que j'écoutais ça quand j'étais jeune. Oh. Fait que, tu sais, je téléchargeais ça sur LimeWire, ben illégal. Puis. Oh my god. Ouais. She's a criminal. Ben là, ça a pris deux heures pour télécharger sa calice de tunes. Je vais l'écouter comme faut. Hey, on va clairement se faire arrêter. Bon, on a fait une petite dernière? Une petite dernière. Oh my god. OK. En rafale, Xavier Dolan. Franco. Ben, franco. Drag Race Canada. Anglo as fuck. Anglo? Non, moi, je pense que les Franco vont embarquer. Pensez-vous que les Queens de vont performer? Mais ils vont embarquer, mais ils vont parler anglais. Oui. Ils vont parler anglais. Ce qui est dommage, parce que j'ai une bonne idée desquels vont se retrouver sur le show, puis leur anglais, il est vraiment pas bon. Fait que ça va être un peu comme les ouais, les Puerto-Ricaines. Ouais. Drag Race, ah oui. Ouais, partagés par la langue. Ouais, c'est ça. They're gonna get the candy hoe edit. I don't know. Le plateau. Français puis anglo. C'est vraiment le rest of Canada and France. Yeah, non, là, c'est vrai, plus personne qui habite là. T'as raison. La petite Italie. Plus anglo. Ouais, depuis que le KGB a déménagé, là, ouais, c'était non, comme leur cheval de Troie. Ouais. La petite Italie. Le PA. Je sais pas c'est quoi. C'est genre l'épicerie la ouais. plus mad push. Oh, le PA. Ouais, le PA. Ah, oh, c'est tellement hot. Honnêtement, franco. C'est le dernier remaining du t'as dit Anglo franco? Privilege. Voyons. C'est anglo as ah ouais. Oh, c'est juste à côté de Concordia puis dans le Myland. T'as juste les anglos qui ont accès à ça. Moi, c'est mes amis franco de Laval qui me parlent du PA. Fait que c'est vraiment. Ah, ben oui, il y en a un à Laval. Mais l'autre, c'est à côté de Concordia puis l'autre, c'est sur Parc. Fait que. Moi, je pense que c'est du Anglo Privilege d'avoir du fromage pas cher de même. Bon, en tout cas, pendant que ce débat-là fait rage, est-ce que le PA est en anglais ou en français? Faut qu'on s'arrête parce que là, les humeurs s'échauffent. Là, nous autres, c'est l'heure d'aller shamer les petits cafés troisième vague qui disent encore cold brew au lieu d'infusion à frette pour notre dernière dose de café avant de conclure. OK, alors, c'était tout cette semaine pour Deux Fifs le matin. On en a appris beaucoup sur les milieux anglo et franco. Nous, on va vous revenir la semaine prochaine avec différents sujets. Toi, Vincent, qu'est-ce que t'aurais à plugger avant qu'on se quitte? Bof, pas grand-chose, mais tu pourrais toujours me suivre sur IG. Oh my god! Get them followers! She's somebody! Quoique j'ai le nouveau update avec on voit pas les likes, fait que je m'en fous un peu. Wow. Mais c'est, ouais, c'est VJ Mousseau. Ou bien, tu pourrais checker mes informations sur mes conférences, pis tout. Puis on va vous cher son profil, la gang. Il yes, va être facile à trouver. Give me those likes. Yes! Fait que c'est tout. Vous pouvez nous retrouver sur tous les médias sociaux qui ont de l'allure en tapant 2 fifs le matin, le chiffre 2, fif avec un X à place du I parce qu'on veut pas se faire shutdown par la police des mœurs, puis le matin, tout en un mot. Hey, merci les moons, hashtag 2FLM et on se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles partout où vous écoutez des podcasts. Bye là!